Deuxième partie, chapitre premier. Après avoir passé la nuit qui suivit le dîner au café anglais dans sa chambrette de la rue de l'Arbre Sec, et après avoir donné le lendemain au commissaire de police de la section des Tuileries les renseignements réclamés au sujet de l'Anglade et du soleil couchant, Bibert revint dans son appartement de l'Hôtel des Princes. Il s'était cependant demandé s'il n'abandonnerait pas la partie, s'il n'écrirait pas au juge d'instruction que décidément Savary était innocent ou trop adroit pour fournir des armes contre lui, s'il n'irait pas faire à Madame Bidel sa dernière visite et lui exprimer ses regrets de ne pouvoir mieux la servir, enfin s'il ne résilierait pas ses fonctions d'agent de police en mission extraordinaire. Retenu par l'amour-propre ou par un sentiment d'une toute autre nature, il ne donna pas suite à ses projets, et il reprit, pour quelque temps encore, le rôle du comte Rubini qu'il avait si merveilleusement créé. Seulement, il ne le joua plus avec la même perfection. Il ne fut, pour ainsi dire, que la doublure de ce personnage. On le vit négliger sa mise, autrefois si soignée, oublier en parlant qu'il était italien, et paraître étonné lorsque les garçons de l'hôtel l'appelaient monsieur le comte. En même temps, son caractère devenait inégal, brusque, emporté, et son existence des moins régulières. Il paraissait dominé par une idée fixe qui lui arrachait par moments, quand il se promenait à grands pas dans son salon de l'Hôtel des Princes, des mots vides de sens, des lambeaux de phrases ou des monologues dans le genre de ceux-ci. « Imbécile !» se disait-il, « tu as voulu quitter tes paisibles bureaux de la rue Saint-Honoré, tu as voulu vivre, eh bien tu vis, de quoi te plains-tu ? Souffrir, c'est vivre, vivre, c'est souffrir, ah, tu vis suffisamment, car tu souffres beaucoup. » Il s'arrêtait tout à coup, se frappait le front et s'écriait « C'est bien fait, je te dis que c'est bien fait, ça t'apprendra. Au lieu de rester tranquille dans ton trou, tu as voulu avoir tes petites passions comme tout le monde. Tu as permis à ton cœur de battre, et il a profité de la permission, l'intriguant, il bat. Mais pour se rattraper, de n'avoir pas battu jusqu'à ce jour, il bat si fort maintenant qu'il pourrait bien briser sa fragile enveloppe. » Il partait d'un éclat de rire et ajoutait « Eh bien, s'il la brisait, cette enveloppe, alors plus de colère, plus de rage, plus d'envie, plus de souffrance, deux pieds de terre, une fosse commune, une croix de bois peut-être, donnée par le marquis de X, et tout serait dit. « Non, s'écriait-il brusquement, je ne veux pas mourir, c'est trop bête de mourir de ces choses-là, moi. Bibert, mourir parce que, allons donc, c'est bouffon, hein, comme le marquis de X rirait. Et moi tout le premier, dans ma tombe, sous mon petit jardinet. Je veux vivre, au contraire, et bien vivre, et me livrer à toute espèce de folie. En ferai-je de ces folies, je vivrai en une année pour tout le temps où je n'ai pas vécu. » Il s'arrêtait encore, et reprenait avec plus de calme cette fois, et une sorte d'amère tristesse. « Je me vante. Je ne saurais pas vivre de cette façon. On n'en change pas ainsi du jour au lendemain ses habitudes, on ne s'enflamme pas 35 ans pour des plaisirs qu'on n'a jamais goûtés. Puis, il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas, des pensées qu'on ne peut chasser, des images que d'autres images ne sauraient remplacer. Ah, si j'avais un fils, reprenait-il, en poursuivant sans doute la même idée, comme je le lancerais dès l'âge de 18 ans dans le tourbillon du monde et des passions. Bah, lui dirais-je, aime, jouis, souffre, dépense tes forces, prends ton cœur à pleine main et jette-le à qui le voudra, écorche-le à toutes les ronces du chemin. Tu le rendras invulnérable et insensible, et lorsque viendra l'âge des fortes passions, mon âge à moi, tu riras au lieu de pleurer, tu feras souffrir les autres au lieu de souffrir toi-même. » Il se mettait à ricaner. « Faire souffrir les autres, dis-tu. Ah, Bibert, tu es un fou, mon ami. Ton fils te ressemblerait sans doute et on ne fait pas souffrir les autres lorsqu'on est bâti dans ton genre. Mais regarde-toi donc. Tiens, voilà une glace et le courage de contempler ta belle image. Avec une taille comme celle-là, un physique comme celui-ci, on souffre, mais on ne fait pas souffrir. Prends-en ton parti, mon bonhomme, et détourne-vite la tête, de peur de t'effrayer toi-même. » Puis, passant subitement à un autre ordre d'idée, « Voyons, disait-il, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi ne suis-je pas là-bas ? Je suis un employé du gouvernement, après tout, je touche son argent, j'ai marge, j'ai une mission à remplir et je ne la remplis pas. J'ai fait de l'embarras, j'ai dit que je répondais du succès. Eh bien, ce succès, où est-il ? Je me suis arrêté au beau milieu de la partie sans savoir si elle était perdue. Elle ne l'était pas, que diable ! Non, elle ne l'était pas, et je vais reprendre les cartes. » Alors, s'il était chez lui, il sortait aussitôt. Si au contraire il était déjà sorti, il se dirigea à grands pas vers la rue de Grammont. Mais, arrivé devant certaines portes cochères, il s'arrêtait tout à coup et recommençait ses éternels monologues. « À quoi bon monter? Qu'apprendrai-je là-haut? Eh bien oui, il est auprès d'elle, je le sais bien, parbleu, qui puis-je faire? Il faut attendre maintenant, attendre en silence et sans se montrer, sans les déranger. C'est le seul moyen qui me reste de savoir la vérité, ma seule planche de salut. » Et elle est bien légère, et je souffre atrocement d'être obligé de m'y confier. Un jour, pourtant, Bibert ne s'arrêta pas à la porte de Julia. Il passa rapidement devant le concierge, gravit un escalier de service et ne redescendit qu'une heure après. Cependant, il ne fut pas introduit auprès de Madame Vidal. Marietta ne l'entendit pas sonner. Personne ne se douta de sa présence dans la maison. Qu'était-il devenu durant tout ce temps? Il n'avait probablement rien appris qui pût le satisfaire. Cette mystérieuse expédition lui avait même sans doute inspiré un grand découragement, un plus profond dégoût de la vie, car le lendemain de sa visite rue de Grammont, il commit une de ces terribles imprudences qui cachent presque toujours une idée inavouée de suicide. Mandé un matin à la préfecture de police pour donner des détails sur l'affaire qui lui avait été confiée, il fut introduit dans le cabinet du chef du service de sûreté. Au moment où il entrait, il surprit le dialogue suivant entre le chef et un de ses employés. « Ainsi, vous ajoutez foi aux renseignements donnés par cette femme. » « Oui, monsieur, elle avait tout intérêt à dire la vérité. » Suivant elle, Langlade couchera cette nuit rue Croix des Petits Champs. C'est plus que probable. Rien ne vous empêche alors de l'arrêter demain matin. Non, monsieur. Aucun de mes hommes n'hésitera à me suivre, mais je dois vous prévenir que leur vie courra de grands dangers. Ce Langlade a une réputation terrible. Il s'est déjà sauvé deux fois des bagnes de Toulon et de Brest. Il est doué d'une force athlétique et ne se couche jamais sans avoir des pistolets chargés à portée de sa main. Le premier agent qui pénétrera dans sa chambre est sûr d'être tué. « Bah, s'il ne sait pas s'y prendre !» dit tout à coup Vibert, qui était resté près de la porte. Le chef et l'inspecteur se retournèrent avec étonnement. « Je voudrais vous y voir !» dit l'inspecteur. « C'est facile, vous n'avez qu'à me suivre si on m'autorise à me rendre demain matin à rue Croix des Petits Champs. « Qui donc êtes-vous ? » demanda le chef de la sûreté en regardant avec plus d'attention l'agent de police. « Je me nomme tout simplement Vibert, monsieur. Vous m'avez fait appeler au sujet de l'assassinat de la rue de la Paix. « Ah, très bien, je vous remets à présent, en effet. Nous n'entendions plus parler de vous. Eh bien, que m'apprendrez-vous ? Rien de nouveau, monsieur. J'attends toujours et très impatiemment, je puis vous l'assurer. C'est bon. Nous connaissons votre zèle et nous comptons sur vous. Ainsi... pour revenir à ce Langlade, vous offrez de l'arrêter. Certainement. Mais c'est qu'un inspecteur, vous ignorez à quel homme vous avez affaire. C'est ce qui vous trompe, répliqua Vibert. Langlade m'a déjà passé par les mains lorsque j'étais secrétaire du commissariat de police de la rue Saint-Honoré. Il n'avait pas craint de venir un matin, accompagné de sa maîtresse, me demander un passeport pour l'Angleterre. Ses allures m'ont paru suspectes, je l'ai fait suivre et arrêter. Depuis, il s'est encore sauvé du bagne où, grâce à moi, il était retourné. Puisque vous le connaissez aussi bien, je m'étonne qu'il ne vous effraie pas davantage. Vous vous souvenez sans doute de sa taille gigantesque. Parfaitement. Je suis un nain, à côté de beaucoup de personnes et surtout à côté de lui. Mais je me souviens aussi de la victoire remportée par David sur Goliath. Est-ce que vous songeriez à un combat singulier? Pourquoi pas? Vous avez la prétention de l'arrêter à vous seul, parbleu. « Vous voulez donc vous faire tuer ?» s'écria l'inspecteur. « Cela ne vous regarde pas, » répondit Vibert. « Il s'agit d'expédier une besogne difficile. Personne n'en veut, moi je m'en charge, et je ne demande ni récompense ni aide d'aucune sorte. »« Permettez-moi, monsieur, » ajouta l'agent de police en s'adressant directement cette fois au chef de la sûreté, « de vous dire qu'on aurait peut-être mauvaise grâce à refuser des services et des intéressés. Mais on ne les refuse pas. » Et je vais vous faire mettre immédiatement en rapport avec les personnes qui pourront vous donner tous les détails dont vous aurez besoin. Une seule observation, pourtant. Ne craignez-vous pas, pendant que vous vous occuperez de ce Langlade, de négliger l'autre affaire si importante qui vous a été confiée. Monsieur, répliqua Vibert, 2 heures me suffiront pour arrêter votre colosse. Je les prendrai sur mon sommeil. C'est d'autant plus facile que je ne dors pas. Allons, dit en souriant le chef. Vous me l'avez bien dit. « Vous êtes un singulier agent de police. » Vibert, pour toute réponse, s'inclina gravement.